Le portrait de Lady Barbara par Félicie de Bayeux-H. Lorsque j'arrivai dans l'atelier du peintre Stephen, il terminait la copie d'un portrait d'homme, fort beau et très anglais, qui me parut être de la plus belle époque de l'ère victorienne. En face de lui, un grand et maigre britannique aux cheveux gris fumait une courte pipe. La ressemblance entre le visiteur et le portrait était frappante. Après les présentations, je ne pus me tenir de formuler une critique. Quelle amusante idée de copier ce tableau avant de le restaurer, car je vois qu'il est en assez mauvais état, et même que vous avez commencé à le nettoyer, là. Mais on dirait que la peinture a l'intention de s'effacer, et elle tient mal. Heureusement que vous êtes habile, Stephen. Oh, ça ne fait rien, remarqua Lord Hartfield. Le peinture, il peut s'en aller. Ce portrait sera détruit, lavé. Quel dommage, m'écriai-je, il est beau, on dirait un Bennett. Justement, reprit l'anglais. « C'est pourquoi je fais copier. » Stephen travaillait sans parler. Sa copie était aussi belle que l'original. En comparant les deux tableaux, j'aperçus soudain en transparence, dans le front du portrait ancien, deux yeux foncés qui me fixaient à travers la nuance plus claire du front de l'homme. « Ah, dis-je, je comprends. Le tableau est surpeint. Qu'est-ce qu'il y a dessous ?» Lord Hartfield soupira et sourit en serrant le tuyau de sa pipe entre ses dents. « Oui, vous avez vu. Eh bien, je peux vous dire, c'est maintenant plus un secret. Là, que vous voyez, c'est mon grand-père. Le 8e Lord Hartfield, mort en 1867. Et là-dessous, c'est sa grand-mère à lui, la 5e Lady Hartfield, la belle Barbara Gateway, qui va dépenser la moitié de son fortune dans son temps pour secourir les malheureux Français qui fuyaient les cruautés de votre Révolution, que vous pensez maintenant était jolie. Lady Barbara Hartfield était très belle, et Reynolds, notre grand-sœur Joshua Reynolds, le peintre, avait peint d'elle ce portrait qu'on trouvait magnifique. Tout le monde admirait tous les trois, le peintre, le modèle et le portrait. Mais voilà que le mari, le 5e Lord Hartfield, est mort dans un naufrage. Il avait laissé un testament compliqué. Naturellement, les biens immeubles revenaient au major, mais ses fils, le 6e Lord Hartfield et le second fils, Sir Percy, se sont querellés pour la collection de tableaux. Enfin, les notaires ont réglé ces questions. Mais le portrait de Lady Barbara a-t-il donné à Sir Percy, et c'était pourtant sa vraie place au château de Buckley Grange, chez l'aîné, et pas du tout chez le cadet. Le nouveau Lord Hartfield ne pouvait pas se consoler. Il allait en croisière avec des amis. Quand il retourna, le vieux maître de l'hôtel Stanson lui dit « Il y a une visite pour votre Grace dans la petite bibliothèque. » C'était le portrait de Lady Barbara qui pendait au mur. Le chef du serviteur avait réussi à le voler. Mon grand-père était très touché, mais aussi bien ennuyé. Il ne voulait pas dénoncer le coupable qui avait agi seulement par dévouement. Comment faire? Son cadet, ce Percy, était aussi en voyage. À son retour, tout serait découvert. Non loin de Buckley Grange habitait un peintre, Philip Bennett, passablement à la mode. Il vivait en faisant des portraits. Mon aïeul le fit venir et l'obtint que son portrait, lui, serait exécuté sur celui de Lady Barbara. Oui, par-dessus et en secret. Jamais la police n'a pu découvrir la toile volée chez Sir Percy. Personne n'a su rien de cette affaire pendant longtemps. Les portraits de famille étaient à Buckley Grange et mon grand-père, puis mon père, les montrait avec orgueil aux visiteurs. L'époque 1840-1860 n'intéressait encore que les enfants des modèles. Vers 1935, le dernier héritier direct de Sir Percy Hartfield mourut en Écosse, où cette branche-là était allée se fixer après sa querelle venimeuse avec la branche aînée. Naturellement, ce fut moi qui héritai de tout le mobilier de famille du château. Les tableaux que mon aïeul avait vus partir de Buckley Grange avec tant de douleur y sont revenus, tous, sauf, naturellement, le portrait de Lady Barbara, qui avait été volé autrefois et que personne ne savait plus où il était. L'an dernier, quelques critiques commençaient à chercher les tableaux du temps de notre très aimée reine Victoria. Le nom de Philip Bennett fut prononcé, et des conservateurs de musées sont venus demander chez moi si j'en avais, et si je voulais bien les prêter pour une exposition. J'en avais deux, le couple des 8e Lord et Lady Hartfield. Quand les conservateurs ont été partis, j'ai fait décrocher les tableaux et désencradé pour le nettoyage. à l'eau un papier tombé du portrait d'homme par Bennett, avec quelque chose d'écrit « Beware ». Attention. Ainsi j'ai fait, et j'ai trouvé un autre papier collé entre la toile et le châssis, et il y avait dessus « Pardonnez au vieux Stanson, il n'est pas un voleur. Il a cru bien faire, il repose en paix. C'est moi qui cache Lady Barbara. Un bon débarbouillage suffira. » Ces mots étaient signés de mon grand-père peu de temps avant la date de sa mort, et j'ai comme ça appris l'histoire. On ne voit pas beaucoup de butlers dévoués comme ça maintenant. Il y avait seulement le grand-père, le vieux Stanson et le peintre Philip Bennett qui savaient la chose, et tous les trois sont morts depuis un demi-siècle. J'apportais les tableaux en France, mais seulement la dame va aller à l'exposition, déjà allée dans le musée. Le gentleman est ici pour le débarbouillage. Exactement. Je l'ai fait porter chez Mr. Stephen, pour savoir si l'aventure était véritable, si je devais croire le petit morceau de papier, et si la signature de mon grand-père était valable. Mais Mr. Stephen a tout de suite retrouvé les yeux là, et aussi un morceau de la robe, ici, sous la manche de l'habit vert du 8e Lord. C'était alors bien une histoire vraie. C'est pourquoi je demande à lui de copier ce tableau de Philip Bennett avant de fondre cette belle peinture, avec des produits chimiques qu'il sait, afin de retrouver le portrait magnifique de Lady Barbara Hatfield par Sir Joshua Reynolds. Félicie de Bailly H., le portrait de Lady Barbara.